Alors bonsoir et bienvenue au Centre d'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemm. D'abord, une première annonce à vous faire concernant le fonctionnement des conférences. Elles se déroulent en deux temps, deux parties. Une première partie d'interview et une deuxième partie pendant laquelle vous pourrez poser vos questions en les mettant sur papier à la pause. Vous trouverez des petits papiers sur les tables dans la salle d'accueil. Vous nous faites parvenir vos questions ici en avant. On posera ces questions-là dans la deuxième partie. Après chacune de ces deux parties, la conférence est enregistrée sur cassette et elle est disponible immédiatement au kiosque à cassette. À l'achat ce soir du billet pour la prochaine conférence de Daniel, donc de vendredi prochain, qui porte le titre « L'efficacité grâce à l'organisation », à l'achat ce soir de ce billet-là, vous pouvez avoir la première partie de la conférence de ce soir gratuitement. Également, en ce qui concerne le séminaire sur l'organisation du succès, qui a lieu le samedi et le dimanche 25 et 26 mai. Il y a encore quelques places là, mais pour les autres dates qui ont été annoncées sur le calendrier du centre, il n'y a plus de place. Donc, il reste quelques places seulement pour le 25 et le 26 mai. Il faut voir Monsieur Mario Gosselin pour cela. Et je vous rappelle également que le dernier dimanche de ce mois-ci, comme chacun des derniers dimanches du mois, il y a un symposium sur la conscience supramentale qui regroupe quatre conférenciers qui se termine par un panel. Et ça, c'est le dimanche de 13h jusqu'à 21h30 à peu près. Là, il me reste simplement à accueillir Daniel Kemm, que vous avez probablement entendu à la radio sur les ondes de CKVL en compagnie de Roger Drolette. Daniel Kemm, qui depuis les années 76-77 est en conférence. Donc, il a donné des centaines de conférences à la radio. Alors, il en a donné beaucoup à la télévision aussi. On le voit souvent à l'émission de Richard Glenn. Il est en conférence ici tous les vendredis et souvent dans les symposiums. Comme Daniel le laisse entendre bien souvent dans ses conférences, il évite de se répéter trop souvent. Ça fait que si vous avez des points pour vous qui venez pour la première ou la deuxième fois au centre, s'il y a des points qui ne sont pas très clairs à ce moment-là, je vous conseille de regarder la liste des cassettes qui ont été enregistrées par Daniel Kemm et puis de vous procurer celles qui concernent les points qui demeurent obscurs peut-être pour vous. Il y a des sujets enregistré sur des points très précis de son développement. Alors, on accueille maintenant sans plus tarder M. Daniel Kemm. Daniel Kemm, être conséquentiel, c'est un sujet que tu as abordé déjà un petit peu, mais en conclusion, et ce soir, tu as l'intention de le développer en profondeur. Alors, la conséquentialité, là, est-ce que c'est une des facultés inhérentes à l'homme nouveau ? Est-ce qu'elle n'existe pas déjà chez l'homme ancien ? Est-ce que chez l'homme ancien, on ne trouve pas d'être conséquentiel? Bon, chez l'être ancien, tel que je le définis souvent en conférence ou à la radio ou dans des livres, il ne peut pas être conséquentiel pour la simple raison qu'il n'a aucune idée de ce qui crée la conséquence. Qu'est-ce qu'un être conséquentiel? C'est évidemment un être qui connaît les mécanismes qui constituent les conséquences. Qu'est-ce que c'est qu'une conséquence? Alors souvent, on va dire aux personnes, tu en subis les conséquences. Parce qu'on parle toujours de conséquences d'une façon négative, un peu comme le karma, tu payes ton karma. Mais une conséquence peut être extrêmement positive, tu peux subir tes conséquences et être millionnaire. Comme tu peux subir aussi les conséquences de tes actes et te ramasser en prison. Le karma, c'est la compréhension des conséquences. Mais la compréhension des conséquences au niveau de l'être nouveau, c'est un mécanisme qui peut être résumé sous un terme écologie. Celui qui est écologue ou écologiste est un être qui a la compréhension des conséquences. Et celui qui a la compréhension des conséquences peut devenir conséquentiel. Mais ça dépend de plusieurs choses. Pourquoi l'être humain normal n'aboutit pas dans ses désirs, dans tous ses désirs, dans tous ses gestes, dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il entreprend. L'être humain, en général, veut évoluer. Il n'y arrive à peu près pas, selon lui, parce qu'il a un concept de ce qu'il devrait atteindre, et ce concept-là, de toute façon, est une illusion, alors il ne l'atteindra jamais. L'être humain, en général, n'est pas heureux. L'être humain, en général, n'a pas suffisamment de puissance matérielle, non pas au niveau orgueilleux ou snob. Il n'est pas suffisamment libre de la matière par la possession de la matière utile à sa libéralisation de la matière.